Unité 2. Page d'ouverture. Page 33. Activité 2 et 3. Piste 24. Salut Alice. Bonjour Anvi. Ça va ? Ça va. C'est mon école. Oh, elle est belle.